Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Un troisième opus des hors-séries du Parisien, Histoire de Paris, arrive aujourd'hui dans les kiosques. Il s'intitule Le Paris de la Révolution et de l'Empire et Franck Ferrand s'y est plongé durant le week-end. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Laurent Deutsch est le cicérone de ce nouveau numéro. Il nous fait découvrir ou redécouvrir la capitale aux heures tantôt exaltantes, tantôt terrifiantes de la Révolution. Je suis heureux que l'éditeur de ce hors-série, Claude Pomereau, ait pu être des nôtres cet après-midi. Et pour nous faire revivre ce Paris de la Révolution, vous allez commencer par nous raconter les amours de Camille et Lucie Desmoulins. Vous allez lire encore des amours, je suis resté fixé sur la Saint-Valentin, que voulez-vous. Hervé Lewers, qui est professeur à Lille et ancien directeur des annales historiques de la Révolution française, vient de faire paraître chez Fayard un Camille et Lucile Desmoulins. Lui aussi nous a rejoint pour cette émission révolutionnaire. Une idylle déjà presque romantique au fort de la tempête révolutionnaire. Entre d'un côté Camille Desmoulins, jeune avocat, journaliste, et dont on dit souvent qu'il est à l'origine de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut en penser. Et puis, avec lui, Lucile, belle jeune femme insouciante, de 10 ans plus jeune. Ensemble, ils vont vivre tous les événements de la Révolution, l'euphorie des débuts et la période plus sombre de la terreur. Ils vont tout vivre unis, comme dans une tragédie, tragédie antique, c'est tout à fait de saison à l'époque, même dans le drame le plus terrible jusqu'à la guillotine. Camille Desmoulins est né en 1760, donc au beau cœur du règne de Louis XV. Il est issu d'un milieu bourgeois. Il a obtenu une bourse pour faire ses études au collège Louis le Grand. Et parmi ses camarades, il y avait un certain Maximilien de Robespierre. Il étudie le droit et en 1785, il devient avocat. Vous avouerez que c'est tout de même un singulier destin que d'accéder à cette profession d'avocat au moment où commence à se dessiner la Révolution. 1785, c'est l'année de l'affaire du Collier, c'est le moment où tout commence à basculer. Camille Desmoulins a un véritable problème pour le métier qu'il entend exercer, puisque il a du mal à s'exprimer. Il bégaye, il bute sur les mots, ce qui quand même est assez gênant au cours de la plaidoirie, et du coup, on ne peut pas dire qu'il ait une clientèle très fournie. Il n'a pas un sou au palais, on a tendance à se moquer de cet avocat bègue, il n'a pas grand-chose pour vivre. En revanche, il est un peu plus chanceux en amour, vous l'aurez deviné. Et c'est une rencontre donc qui va changer le cours de sa vie. Dans les jardins du Luxembourg, il croise régulièrement une jeune fille qui se promène avec sa mère, Madame Duplessis. C'est d'abord avec la mère que Camille discute et puis il tombe sous le charme de la fille. Elle s'appelle Lucile, elle a une magnifique chevelure blonde, les yeux noirs, un visage d'ange, comme on pouvait dire à l'époque. On disait qu'elle était faite à peindre. Et pourtant, rien ne prédestine Camille et Lucile à vivre, à être ensemble. Ils ont d'abord 10 ans d'écart. Lucile est issue de la bourgeoisie aisée, quand Desmoulins, lui, est quand même la caricature de l'étudiant de province venu à Paris quasi sans le sou. À cette époque, il n'a même pas de lit. D'ailleurs, il écrit à son père « Depuis 6 ans, je n'ai pas eu le nécessaire. Envoyez-moi un lit si vous ne pouvez m'en acheter un ici. Est-ce que vous pouvez me refuser un lit? Je vous supplie, aidez-moi, envoyez-moi 6 louis ou un lit. » Malgré leurs différences au fil des mois, une idylle va donc naître entre Camille et Lucile. Très vite, Camille songe au mariage, tel que l'imaginent les jeunes bourgeois de sa génération, nous dit Hervé Lewers. Il veut s'établir, exister comme mari, partager son existence, ses préoccupations et ses sentiments, mais aussi découvrir l'amour, le bonheur à deux. Pour l'instant, la Révolution est en train de rattraper les amoureux. Camille va plonger corps et âme dans ce que nous appelons la tourmente révolutionnaire, mais qui, dans les premiers temps, était un vent, un souffle, quelque chose de fascinant, d'exaltant. Depuis quelques mois, Desmoulins fréquente Versailles, où sont réunis les députés pour les États généraux, et 2 jours avant la prise de la Bastille, le 12 juillet donc, après le renvoi de Necker, parce qu'on a pris l'habitude, mais normalement c'est Necker, devrait-on dire, le renvoi par Louis XVI de son ministre, Camille Desmoulins, qui à l'époque est totalement inconnu. On le voit grimper sur une chaise ou sur un banc du Palais Royal. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question. On est dans les jardins du Palais Royal. Il brandit un pistolet. Il se fait une cocarde avec les feuilles vertes de châtaignier, les feuilles du jardin. N'oubliez pas qu'on est encore à la très belle saison. Et le voilà qui s'exclame. « J'arrive de Versailles, Necker est chassé. C'est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir même, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Une ressource nous reste, c'est de courir aux armes et, en cherchant des armes, on prendra la Bastille. » Est-ce qu'il l'a dit d'une manière aussi fluide ? Ça non plus, l'histoire ne le dit pas. Pardon, il y a d'ailleurs une célèbre gravure de Prieur qui montre Desmoulins avec sa redingote, ses culottes, son tricorne, en train d'haranguer comme ça le public. On dit de ce discours qu'il est fondateur dans les événements à venir, les événements du 14 juillet. Voilà pourquoi Desmoulins restera pour beaucoup l'homme du 14 juillet. Il faut se souvenir, encore une fois, qu'il a un peu de mal à s'exprimer en public. Il est bien meilleur à l'écrit. C'est le registre où il excelle. Hervé Levers écrit « Il a la plume vive, enjouée et ironique. Sa ligne éditoriale est simple, la bonne humeur et l'indépendance de la pensée mise au service de la Révolution en France et ailleurs. Patiemment, Camille se construit une image de journaliste patriote. Il ambitionne un journalisme d'opinion et d'action qui fasse triompher des idées, bouleverse les équilibres et transforme le pays. Pour lui, écrire signifie combattre. » Camille écrit des pamphlets. Il va fonder un journal en novembre 89, Les Révolutions de France et de Brabant. Gros succès, 3000 exemplaires pour l'époque, c'est important. C'est même décisif, on peut dire, dans le mouvement des idées qui sont en train de prendre possession progressivement de la population. Et de fait, c'est cette publication qui va lui assurer l'essentiel de ses revenus, à savoir maintenant 10 000 livres par an, une fortune. Imaginez qu'il était encore sans le sou 6 mois plus tôt. Dans ses pamphlets, Camille attaque la famille royale, les aristocrates, les modérés qui peu à peu deviennent ses ennemis, si l'on peut dire. Et dès lors, il devient un personnage incontournable des débuts de la Révolution. Dans les rues de Paris, dit Hervé Levers, des inconnus lui sourient, le saluent, d'autres murmurent à leurs voisins, tu le reconnais, c'est Desmoulins. Camille est devenu célèbre. Il est presque devenu riche et il épouse Lucille le 29 décembre 1790 à Saint-Sulpice. C'est un lieu qui ne manque pas d'ironie. Desmoulins se marie dans une église alors qu'il passe son temps à attaquer les prêtres. Mais à l'époque, les mariages civils n'existent pas, n'est-ce pas ? Parmi ses témoins, Jérôme Pétion, très important. Pétion, c'est l'étoile montante de l'Assemblée constitutionnelle, le futur maire de Paris. Et puis, parmi les témoins aussi, Maximilien de Robespierre. À l'époque, un ami, c'est un ancien de Louis le Grand, lui aussi. Hein. On dit que c'est Robespierre qui, suivant la tradition, a plongé sous la nappe au dessert pour détacher la jarretière de la mariée. On aurait adoré voir cette scène-là, oui, parce ça, que c'est sûr. C'est pas tellement l'image qu'on se fait non, de Robespierre d'habitude. Trop. Personne ne pouvait présager que 3 ans et demi plus tard, les mêmes personnages, les mêmes protagonistes allaient se déchirer autour d'un échafaud. Le couple Desmoulins s'installe aux 2 places du Théâtre Français, notre actuelle place de l'Odéon. Les amoureux vivent une période d'insouciance. Ce sont les beaux jours, là, vraiment. Période qui va vite être ébranlée et disparaître pour faire face à des événements nettement, nettement plus sombres. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et grâce à vous, Franck, cet après-midi, nous sommes au cœur de la vie de Camille Desmoulins, en pleine tourmente révolutionnaire. Nous sommes en décembre 1790. Camille a épousé la belle Lucille, on vient de le vivre avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant qu'on retourne sur cette histoire d'amour, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel rôle a joué Camille dans le mouvement révolutionnaire ? Alors déjà, vous avez vu son rôle un peu de déclencheur, oui, dans les événements qui vont avec aboutir à l'insurrection du 14 juillet et à la prise de la Bastille. C'est un rôle globalement non négligeable. Il est entré au club des Cordeliers en 91, Desmoulins, et le 17 juillet 91, donc ça veut dire juste après la fameuse fusillade du Champ de Mars, avec la garde nationale a tiré sur les manifestants qui étaient en train de demander la déchéance du roi. Ouais. Ça a fait basculer, on peut dire, la révolution d'une certaine manière. Camille Desmoulins est recherché par la police. On va suspendre la publication de son journal, Les Révolutions de France et de Brabant, après 86 numéros. La Tribune des Patriotes qui succède à ce numéro va être un échec. C'est compliqué à ce moment-là pour Camille Desmoulins qui va aller se cacher à Versailles, puis à Bourg-la-Reine. Il garde le silence. Il revient à Paris en octobre 91 et dans son discours aux Jacobins du 21 octobre 91, il fait part de ses réflexions. Il parle d'un certain désenchantement. Il, il fait part de son pessimisme à l'égard du mouvement révolutionnaire. Et ça, c'est une position qui commence à le marginaliser, d'autant plus que, n'oubliez pas qu'il n'a plus de revenus, puisqu'encore une fois, on a suspendu ses journaux, ça ne paraît plus depuis des mois. Bref, l'année 92 commence dans la grisaille pour lui. Grande consolation quand même, le 6 juillet 92, Lucile donne naissance à un fils, Horace Desmoulins, quand je vous dis qu'on est dans le goût néoclassique pour l'antique. Hein. Le 6 septembre 1792, attention, hein, on est juste au lendemain des fameux massacres. Là, la révolution est en train de changer. C'est la République qui s'installe et Camille va siéger désormais à la Convention nationale aux côtés de Robespierre, de Danton, de Marat et des autres. C'est une éclaircie bien éphémère puisque le cours des événements est en marche, la tragédie qui s'annonce ne va plus s'arrêter maintenant et elle commence avec la prise des Tuileries, évidemment. Hein. Elle a commencé dès le 10 août précédent, 10 août 92. Le peuple s'est emparé du palais des Tuileries. Camille apparaît avec son fusil, annonce à Lucile qu'il part avec Danton pour l'hôtel de ville. Lucile est complètement éplorée. Je cite André Castelot qui décrit bien ce genre d'événement. « Toute la journée du 10 août, écrivait-il, se passe ainsi dans l'angoisse. Le canon commence à tonner. Le boulanger refuse de donner du pain à Danton et à Desmoulins. « C'est la faute à votre Camille !» crie une voisine. Par précaution, Lucile et son mari ne couchent pas chez eux ce soir-là. Le 11, Lucile écrit « On brise les glaces dans le château. On nous a rapporté des éponges et des brosses de la toilette de la reine. » Et le lendemain, elle ajoute ces cinq mots « En rentrant, j'appris que Danton était ministre. » Ça doit faire un peu plus d'ailleurs. Je crois qu'André Castelot a compté un peu vite. Moi, je vois huit mots là. Oui. Pour Desmoulins, c'est une promotion. Il devient secrétaire général de la chancellerie et s'installe avec son épouse, place Vendôme. Alors voilà, on se dit, ben ça y est, le voilà sorti d'affaires. Vous pensez qu'il en était à demander un lit à son père, hein, quelque temps plus tard, et que maintenant il est secrétaire général de la chancellerie. Lors des massacres de septembre, on dit qu'il aurait sauvé un prêtre réfractaire, l'abbé Bérardier. Vous savez qu'on en a massacré beaucoup, hein, des agents de la contre-révolution, comme on disait, dans les prisons où ils étaient détenus, en instance de jugement qui a été rapidement fait, si je puis dire. Janvier 93, évidemment, on est en plein procès de Louis XVI, et il va voter la mort de l'ancien roi. Il dit « Je vote pour la mort, trop tard peut-être pour l'honneur de la Convention ». Mais de plus en plus, Camille Desmoulins est effrayé par ce qui est en train de se passer. Il dénonce, lui, la terreur. Il attaque, il ose attaquer le comité de salut public. Ça va être le début de sa chute, ça. Le 5 décembre 93, dans le premier numéro du Vieux Cordelier, il dénonce la terreur, il prêche l'indulgence et surtout, il s'impose d'une certaine manière, par ses écrits même, comme l'opposant symbolique à Robespierre. « Non, écrit-il, non la liberté, cette liberté que j'adore, cette liberté descendue du ciel, ce n'est point une nymphe de l'opéra, ce n'est point un bonnet rouge, une chemise sale ou des haillons, la liberté, c'est le bonheur, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la justice. Voulez-vous que je la reconnaisse? Voulez-vous que je tombe à ses pieds, que je verse tout mon sang pour elle? Ouvrez les prisons à ces 200 000 citoyens que vous appelez suspects, car dans la Déclaration des droits, il n'y a point de maison de suspicion, il n'y a que des maisons d'arrêt, il n'y a point de gens suspects, il n'y a que des prévenus de délits fixés par la loi. » Il fait donc partie des indulgents, mais des indulgents qui ont de la voix, comme vous pouvez le voir. Les partisans de la terreur ne vont pas tarder à tomber sur celui qui, évidemment, devient pour eux un opposant dangereux. Jacques Hébert s'acharne contre Desmoulins dans le Père Duchesne. Et puis Robespierre, l'ami, rappelez-vous, l'ami d'enfance qui vient s'en prendre à lui un échange et rester célèbre. « Camille est un enfant gâté !» clame Robespierre. « Il avait d'heureuses dispositions, mais les mauvaises compagnies l'ont égaré. Je demande, pour l'exemple, que les numéros de Camille soient brûlés. » Ça rappelle des décisions du Parlement de Paris sous l'Ancien Régime. Bref, je n'ai rien dit. Réponse de Camille Desmoulins. « C'est fort bien dit, mais je te répondrai comme Rousseau. Brûler n'est pas répondre. » « Eh bien, s'exclame Robespierre, s'il en est ainsi qu'on ne brûle pas, mais qu'on réponde, apprends donc Camille que si tu n'étais pas Camille, on n'aurait pas pour toi tant d'indulgence, puisqu'il le veut, qu'il soit couvert d'ignominie. » Et dès lors, c'est un étau qui vient se resserrer autour de Camille Desmoulins. Son beau-père Duplessis est arrêté parce qu'on a trouvé chez lui un poids marqué d'une fleur de lys. Normalement, on était censé déroyaliser les insignes. Bon, bref, Camille Desmoulins est le prochain sur la liste. Il le sait très bien, tous les prétextes sont bons. Et le 31 mars 1994, des soldats arrivent chez lui, au troisième étage du 2 Place du Théâtre Français, toujours. C'est encore André Castelot qui raconte. Camille est là, dans sa chambre, il rêve. Soudain, il tressaille. Il entend le pas d'une patrouille. Camille ouvre la fenêtre donnant sur la place de l'Odéon, à l'angle de la rue Crébillon, et regarde. Il a compris. On vient m'arrêter. Lucille se jette dans ses bras. Il l'embrasse comme un fou, puis va ouvrir lui-même au policier. En un instant d'angoisse poignante, il a revécu tout son passé, à la fenêtre ouverte se détachant sur le fond lumineux de la chambre. Il vit la silhouette de Lucille demi-nue, secouée de sanglots, les bras tendus vers lui, l'appelant, lui criant « Adieu !» en tournant au coin de la rue Vaugirard. Il l'entendait encore, puis la voix se perdit dans le lointain, la mort commençait. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur du Paris de la Révolution cet après-midi. Franck, nous suivons Camille et Lucie Desmoulins. Alors, on vient de le voir, Camille, lui, a été arrêté le 31 mars 1794. Oui, et il est détenu pour le moment au Luxembourg, au palais du Luxembourg, hein, chez Marie de Médicis, dans ce qui deviendra plus tard le palais du Directoire. Mais on n'y est pas encore, là, on est en pleine terreur, toujours. Le palais a été transformé en prison. Il trouve Danton, d'ailleurs, qui est là aussi, arrêté. Il écrit à son épouse, il écrit à Lucille, Camille. En ouvrant mes fenêtres, la solitude, les affreux barreaux, les verrous qui me séparent de toi ont vaincu toute ma fermeté d'âme. J'ai fondu en larmes, ou plutôt, j'ai sangloté en criant dans mon tombeau « Lucille, Lucille, oh ma chère Lucille, où es-tu ? » J'avais rêvé une république que tout le monde eût adorée. Je n'ai pas pu croire que les hommes fussent si féroces, si injustes. Je vois le sort qui m'attend. Adieu, ma Lolotte, mon bon loup. Oh, ma chère Lucille, j'étais née pour faire des vers, pour défendre les malheureux, pour te rendre heureuse. Pardon, chère amie, ma véritable vie. Les 2, 3, 4 et 5 avril de cette année 1794, Desmoulins comparaît devant le tribunal révolutionnaire. Ce sont des heures terribles. Lucille aussi est suspectée à la même époque, bien sûr. Hein. On l'accuse de comploter pour faire évader des prisonniers, de comploter en vue de massacrer les membres du comité de salut public. Et Camille blêmit « Ah, les misérables, non contents de m'assassiner, ils veulent assassiner ma femme !» Le 5 avril, la charrette dans laquelle se trouvent Danton et Desmoulins se dirige déjà vers la place de la Révolution, ancienne place Louis XV, future place de la Concorde. Camille implore sa femme et son fils, les poignets liés. Il demande à Danton d'extraire de sa poche la mèche de cheveux de Lucille, celle qu'elle lui a envoyée, et de la lui glisser dans les mains. Il cède, ses prisonniers, entre eux, puisqu'ils ont les mains liées. Et au pied de l'échafaud, Desmoulins prie le bourreau de remettre cette mèche aux parents de sa femme après sa mort. Il crie « Peuple, on te trompe, on tue tes amis. Mon seul crime n'a jamais été que d'avoir versé des larmes. » Et au moment où le fer de la guillotine va s'abattre, va s'effondrer pour lui trancher le cou, Camille appelle encore Lucille. Au même moment, Lucille Desmoulins vient d'être arrêtée, figurez-vous. Au tribunal révolutionnaire, elle comparaît aux côtés de plusieurs détenus. Un homme qui a voulu défendre Desmoulins quelques mois plus tôt, notamment Arthur Dillon, également Françoise Hébert. Hein, et la Françoise Hébert, c'est la veuve d'Hébert. Hervé Levers nous dit « Est-ce avant ou après le verdict que Lucille jette ses derniers mots sur un petit morceau de papier ?» Une vingtaine à peine, griffonnée sur 7 lignes, elle ne pense pas à son père, ni à sa sœur, mais à sa mère, sa meilleure amie. « Bonsoir, chère maman. Une larme s'échappe de mes yeux. Elle est pour toi. Je vais m'endormir dans le calme de l'innocence. » Ce 13 avril 1794, il faudrait dire maintenant 24 germinal, les condamnés sont emmenés à leur tour place de la Révolution par le même chemin, le même parcours qu'a suivi comme un chemin de croix Camille quelques jours plus tôt. Un témoin raconte, nous dit Hervé Levers, un témoin raconte que la jeune femme a couvert ses cheveux d'un mouchoir de gaz de la plus grande blancheur. Il est presque 19h lorsque le périple s'achève et que commencent les exécutions. On lit les mains de Lucille, le bourreau fait tomber sa tête et ses belles boucles blondes. On dit qu'au moment de l'exécution, elle est restée parfaitement digne, parfaitement calme, conservant cette espèce de détachement qui avait tant séduit Desmoulins quelques années plus tôt. Quant à l'innocence et quant à l'insouciance, elles, on peut dire qu'elles sont déjà mortes. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.